Le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a publié le 14 courant une déclaration qui dit notamment « Actuellement, toute la nation s'indigne contre les traîtres de la bande de Park Geun-hye qui a décidé d'introduire les équipements meurtriers américains SAD en Corée du Sud. Tous les milieux sud-coréens condamnent que c'est un asservissement envers les États-Unis identique à la conduite des cinq traîtres de Lan Ulsan du temps moderne qui ont vendu la souveraineté et un choix fatidique et traîtresse et réclament l'annulation de la décision sur la disposition de SAD. Alors que toute l'étendue de la Corée du Sud est complètement bouleversée, les pays voisins protestent plus que jamais contre cette dernière affaire puisqu'ils font face à la menace militaire plus ouverte des États-Unis. Pourtant, la bande de Park Geun-hye qui en est auteur ne se sent point coupable et prétend absurdement que c'est une défense contre la menace nucléaire et des missiles du Nord et une mesure inévitable pour la sécurité et l'existence du peuple et s'affaire à dissimuler son crime et à prendre la contre-offensive. Tout cela montre que Park Geun-hye est une traîtresse et la marchande de guerre sans précédent qui vend sans hésitation le destin et les intérêts de la nation et détruit sans merci la paix et la stabilité en proie à la confrontation fratricide et à l'ambition d'agression contre le Nord. Le but de la disposition de SAD, malgré la protestation véhémente de toute la nation et de la communauté internationale, est d'intensifier la sanction et la pression contre notre République à l'aide des États-Unis, décidés à subir tous les dégâts devant la consolidation croissante de notre détention nucléaire et l'échec de sa demande de dénucléarisation préalable. Plus est-ce affaire à supprimer les compatriotes à l'aide des forces étrangères, plus nos armements nucléaires autodéfensifs seront renforcés. Elle doit savoir correctement que le poignard de la justice impitoyable finira par étouffer complètement la traîtresse. Park Geun-hye, marchande de guerre qui vend au contraire son territoire au moment où tous les pays et nations du monde s'appliquent à défendre la souveraineté et les intérêts, est la honte de la nation et l'objet des catastrophes du pays. Rien ne garantit qu'à l'éventuel conflit des puissances dans la région de l'Asie Nord-Est, qu'il n'y aura pas la frappe nucléaire incognito ciblant SAD, et la Corée du Sud en sera entièrement victime. S'ils ont la raison et sont attachés à la paix et à la sécurité, les divers milieux sud-coréens doivent abattre une poignée des traîtres pour défendre leur dignité, intérêts, existence et sort, et livrer plus dynamiquement la lutte pour mettre un terme à l'occupation et à la domination militaire des États-Unis qui empêchent la réunification, la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne.